Vous êtes à l'écoute de Fresh Air, radio communautaire KFAI 90,3 FM Minneapolis et 106,7 FM Saint-Paul. Radio sans frontières. Le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. Bonjour. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. And bonjour, Dana. Bonsoir, Olaf. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va comme si, comme ça. Bonne fête Saint-Valentin. Oh, la Saint-Valentin, évidemment, ça c'est... C'est le grand jour. Le, le grand jour de l'amour. Oui, oui. On va commencer avec... On a une soirée consacrée musique pour les amants, les amoureux. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a téléphoné pour demander une chanson? Non. Oh, pas encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça, nos auditeurs? Auditeurs francophones, ils ne... Mais... We'll check. Maybe there's something on the Facebook page or some sort of dedication. But if you would like to send a dedication out to somebody, you can call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. Let's get some get started with some music. The first thing we shall hear is Nosfell with Amour. On y va. Je t'aime d'amour, prends ce

nuit, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autres garçons que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom, toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. T'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister. Je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Wow, c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On a entendu trois chansons d'amour. We heard Amour by Nostal. Then we heard, I'll talk about all three at the same time. Océan d'amour by Christophe and Mon amour, mon ami. So this was Ocean of Love and My Love and My Friend by Barry. So Nosfell, Christophe, and Barry. And basically, these songs were pretty languid. I mean, there was no pizzazz there. I mean, it's really people who were very much in love. Mm-hmm. The first one had to do more or less with being out in the woods. The second one in an ocean. And the third one just kind of... sang about

Je ne suis pas les autres, oh non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans KFI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Programming is supported by AMPRES and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPRES.org. AMPRES features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPRES.org. AMPRES, diverse radio for Minnesota's communities. Souvent à l'école, on se moque de nous, les enfants rigolent. Ce sont des jaloux. Ma princesse a osé, qu'elle vient jolie scène. Elle a déposé sa main dans la mienne. Nous faisons le mur, ce n'est pas de tout retour. Je suis sans armure, elle est sans château. Souvent dans la rue, on nous montre du doigt. Sont bourrus, mais les gens sont comme ça. Tout ça parce que tous les deux nous oublions d'être sages. On est amoureux et nous enjambons les nuages. Nous avons fugué entre deux paragraphes, nous avons largué les leçons d'orthographe. Tout par-dessus bord, les dictées, les problèmes. On est tombé d'accord pour se dire je t'aime. Ici les oiseaux sont dans la confidence. Quand on est en haut, plus rien n'a d'importance. Au premier baiser, plus rien ne bouge. J'ai senti passer mes joues de rosa rouge. Tout ça parce que tous les deux nous oublions d'être sages.

sous le pont Mirabeau. That was sung by Serge Reggiani, and it basically deals with, well, along the Seine, which Seine is the river of the lovers, or at least where they promenade, and he sings about, well, how the river flows and how he walks and they walk, and then some clock strikes, and so it's kind of a melancholy song about loss of love and what remembrance of the time as they were walking arm in arm along the Seine. The other one was Pour que tu m'aimes encore by Céline Dion. Basically, she's worried about her lover, and she tries to do everything she can to make him love her still, or continue to love him, love her. And Les Amoureux avec Adebert, in which he gives a short version of what these amoureux, what the lovers do, and how they behave, etc. And finally, we have Barbara by Les Frères Jacques, and that's of course is a song from the war. It Brest is the rain going down over Brest, and he hears someone calling out the name Barbara, and then he somehow or other this falls in love with this lady that he's never seen, doesn't know if he'll ever see her again, but he also doesn't know if she will see the young man again. And then he says, well, que c'est con les guerres, how boring or lame, how bad are our wars. And of course, stupid. He's referring to the fact that this was in World War II, and Brest was one of the cities that was heavily bombed and so on. And if we heard Les Frères Jacques, they are, it's quite often Yves Montand who sings this song, but in this case it's Les Frères Jacques wanted to give a different version. It's not really a different version, it's the same. But Edith Piaf often has sung with the Frères Jacques. Mm. So that was... The next song's a little peppy. This one's specially for today, so here we go with Maurice Chevalier, Valentine. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petit poton, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Vend son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli des proies, qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle l'avais. Un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, et l'avait. Un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, son petit piton, son petit menton, et l'était frisé comme un mouton. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAR Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. KFAI is proud to sponsor the Northside Housing Fair. Join your neighbors for the Northside Housing Fair on March 18th from 10 until 3 in the afternoon at the Lucy Laney School, 3333 Penn Avenue North. The Northside Housing Fair is a one-stop shop for all your housing needs, whether you're a renter, a homeowner, or anything in between. Attendance is free for all. Presented by the Cleveland Neighborhood Association in partnership with KFAI Radio. More information at northhousingfair.com or at 612-588. 8-1-1-5-5. So now we heard a very cheerful song. Well, cheerful in the beginning, of course. Maurice Chevalier and Valentine, and he describes how he met her on the street, how he followed her every day. He took the same street where she went to school, and then he describes a very nice description of how she was so slim and good looking, and she had hairs curling like a sheep's wool. So he's totally into this, and how they walk, and then they hold hands, and things go on like this. So many years afterwards, he walks down the street, and here comes a lady and falls around her arms around his neck, and he says, "Who are you, madame?" So she says, "Oh, don't you remember me? I'm Valentine." But then she has triple chin, triple chest. And triple chest. So he's quite disturbed by this. But anyway, this is at least a funny element in our Valentine songs. All right. Let's take a little detour and hear some Benabar with Mon cœur fait vroom, followed by Coralie Clément, Samba de mon cœur qui bat. J'ai parcouru le monde, cherché l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom, vroom. Je porte mon plus beau manteau et mon bon vieux chapeau. Permettez, après vous, peut-être la prochaine fois. J'ai parcouru le monde, cherché l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait. Et moi marchant sur les chemins, main dans la main, c'est fou. Laissez-moi vous offrir en cadeau ce délicieux gâteau. J'ai parcouru le monde, cherché l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait. Soirée sous le ciel étoilé ou devant la télé, entre nous, avec vous, pas du tout. Dans vos yeux qu'il y a l'espoir de jours plus heureux, et vous entendre dire: ne partez pas, il faut rester pour moi. J'ai parcouru le monde, cherché l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom, vroom, vroom. parcouru le monde, chercher l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom vroom vroom. J'ai pensé renoncer, ne pas m'abandonner, non, pas m'abandonner. Ce jeu va me tuer, car mon cœur fait. Well, the songs we heard were first of all, Benabar in Mon Coeur qui fait que vroom. And basically, I mean, many other songs you hear the heart that sounds vroom. You hear le coeur fait boom. But vroom, that is the noise that a Hartley Davidson makes when you really step on the accelerator and zoom off. So that's a tad more than just a a boom. So he, of course, he sings about his love and how he impressed mm-hmm. he is. And then Coraline in Samba de mon cœur qui bat. So in her case, the heartbeats are less noisy than mm-hmm. Benabar's. It's the samba of her hearts. Beating hearts. And heart beats in the samba rhythm when she is with him. So that's kind of nice and not as exhausting as going vroom. But a nice beat to it. We'll get back to the music after these announcements. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Thank you.

cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Yaya. C'est l'heure. C'est l'heure. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul Radio Sans Frontières. Le programme que nous présentons est Bonjour Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul. Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota, and the time is 9 p.m. Central Standard Time or 4 o'clock in the morning in Paris. 9h ou 21h 21 du soir ici, ou oui. 4h du matin oui. À Paris. Alors, on vient d'écouter... So we heard three songs. Mm-hmm. The first one was by Amadou and Myriam, and it's Je pense à toi, and he thinks about her all the time. So it's they're both from Mali, and some of the instrumentation you may have heard, the beats are on these little drums that are gourds with sheepskin membrane, and so that sounds through. The entire song, but he thinks about her. He all day long he thinks about her, and finally he says, "Don't leave me, don't ever leave me." So that was Amadou, and then we heard two by Françoise Hardy, "Le temps de l'amour," and "Le temps des belles choses." The first one, "Temps de l'amour." Is a very nice presentation of what the temps de l'amour, what the time when you're in love, what that represents. You're 20 years old, you have no other cares, or if you have, then the love and being with your friends outweighs everything. So she gives a very positive idea about love and how it goes. And this is something you will never forget your entire life. The next one is more dealing with very nice things. So she thinks about, all the nice things that are. She can draw a rainbow in the sky, and then enumerates those things that really move her. And so there's a contrast there. The one is very serene. You like de belles choses, and the other one is somewhat movement, up and down. I mean, she realizes that after you're 20, then this whole thing about the temps d'amour begins to fade away or make way to more realistic and sometimes more painful decisions. Mm-hmm. But she's great. I mean, Françoise. Beautiful voice. Yeah. I love her. I don't think it would be Saint-Valentin without her. Very good. Let's take a little detour and listen to some Jean Ferrat with Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, ah, c'est toujours toi que l'on blesse. C'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée.

moi ma chérie et moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, cherchez sur mes mémoires, moi ma chérie et moi. Pich mimi piti, i piti tout piti, si on dit c'est pas grave, mes amis méfiez-les, quand ils t'aient li en l'air, veillez garder l'angli. En bout de l'île, c'est mort, c'est mitière en bataille. En bout de l'île, c'est mort, c'est mitière en bataille. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux. Cherchez sur moi, mais moi, ou à marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Cherchez sur moi, mais moi, ou à marcher derrière moi. Piche, mimi, piti. Et petit tout petit, si on dit c'est pas grave, mes amis méfiez-les. Quand ils t'aident en l'air, veillez garder l'angli. En bout de c'est la mort, c'est mitière en bataille. En bout de c'est la mort, c'est mitière en bataille. En bout de c'est la mort, c'est mitière en bataille. Pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à vous, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en deviens un marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu, rien à faire. J'ai pas pu, quand il me dit, viens, je suis comme un chien. Y'a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des maux, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau. Well, we heard a number of songs. Of the first one was Jean Ferrat, Aimer à perdre la raison, to love up to losing your mind. And he sings about how he is in love with someone, and basically he realizes that he's losing his mind every time they part or every time they are away from each other. So, but he it's a very nice song, and Ferrat, of course, has also written other love songs, Mamoum, etc. But anyway, this is Loving to Lose Your Mind. Then we have Dis Quand Reviendras-tu? When Do You Come Back? This is Barbara, actually in her younger years. And she sings about, well, when are you coming back? She's waiting for this lover. And he has been there, but then he takes off, and she doesn't know when he's going to come back. And she's very, I mean, gives a very sorrowful song about trying to find him and trying to get back with him. Then Henri Salvador, always the chipper, dipper, Maladie d'amour. He sings about, well, what are the consequences? What is when you're lovesick? And that's no one is better suited to that than Henri Salvador. And finally, we heard Arletty. She is a precursor, more or less, of Edith Piaf, and dates is somewhat before her in the 20s, and specifically in the cabaret scene. And she sings Mon Homme, my man, and he can do anything he wants. She is always with him, and he is under her skin. Or she is totally in love with him. When he looks at her, everything, resistance fades away. So, and when they dance, all he has to do, or at the dance floor, all he has to do is beckon with his finger, and she comes running to dance with him. And while she dances, she is totally, taken spell by him. Yeah. Mm-hmm. So that's, those were the last four love songs. So now, let's take, how about some Piaf? Here we go. Okay. All right. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. De la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume.

There are great programs on KFAI radio that speak to the Somali community, but there's only one Somali radio that speaks with funny English. I'm Abdirizak Bihi. I'll talk with a lot of Somali people who are working hard to build a stronger community, as well as everyone else who supports and encourages the success of this community. Tune in on Fridays at 1 p.m. during the month of February for the Somali program that speaks with funny English, right here on Fresh Air Community Radio. KFAI and the Cedar Cultural Center present a night of Brazilian psychedelic rock with Os Mutantes and Carly Bryant, Tuesday, February 21st at 7:30 p.m. Os Mutantes has been pioneering psychedelic and prog rock since 1966 and continue today with an ever-morphing aesthetic. Tickets are available in advance at The Electric Fetus and Depth of Field. Online tickets and more artist information is available at thecedar.org. All right, we heard two songs by Edith Piaf. The first one, kind of very catchy melody, rhythms. The second, more sweet. Well, the first one, Milord, is, she observed, it's not her love, but she observes a gentleman who is frequenting her establishment where she sings and dances. And she sees him with a lady that's so beautiful that she says her heart almost froze when she saw this beauty. And then the same man comes back all by himself and is extremely triste and sad sitting there. And she tries to cheer him up, say, come on, get let's dance. Come on, have some fun. And so so this is a love song in the sense that she's been observing what's going on and trying to make the best, or trying to encourage this person to kind of get over it. The next one is Hymne à l'amour, the hymn to love. And that, of course, is totally, is a woman who's totally in love. She can, the earth, the sky may fall down, the earth may crumble. She doesn't matter as long as she is in love with this man. She'll do anything he says. She'll leave her home, she'll leave her friends, she'll go and steal money for him. Absolutely anything she will do as long as he is in love with her and she feels that her love is responded. So, and she'll go anywhere on earth, wherever he is, she'll go anywhere. I mean, that's quite dedication. Dedication. Yeah, right. Huh. So I mean, this dedication, which we are now kind of celebrating in St. Valentine's Day, we need to find out a little bit who was St. Valentine? Who is he? Or who are they? First of all, apparently there are a number of Saint Valentines in the church hagiography. I mean, in the collection of saints, but the one that is for him, for whom the celebrations of today are named, is one who lived in Roman times when under persecution of the Christians, and the reason he was selected as patron saint of the lovers is that he actually performed marriages between soldiers, Roman soldiers, and their sweethearts, and this was strictly forbidden. I mean, they were not to have family ties when they were sent out to Gaul or wherever Caesar wanted them to go. Well, and Caesar, that's earlier, but this is Constantine and others. So didn't pay attention or didn't marry them anyway. And then the worst thing is he actually married Christians, which were outlawed at the time. So he of course, was martyrized. I mean, became a martyrized. Mm-hmm. But the thing is this, I mean, he actually healed the jailer's daughter. She was in very bad shape. And he healed her. So what kind of people are these? But he was his head was cut off anyway. I mean, no gratitude. So when did this first come up? Apparently, one of the stories goes that he wrote a letter afterwards. I mean, not after he was murderized, but to this girl that he had saved and signed as Saint Valentine. So that's one story. The other one is that this is Chaucer. In one of his poems in the 14th century, also talks about Saint Valentine and sending letters or flowers or some kind of confectionery to the loved ones. And then, of course, it became quite popular in England in the 19th century. So with all the paraphernalia of Saint Valentine's. Flowers, chocolates, cards, and so on and so on. And in this country, of course, it's been part of the customs, I mean, since the 19th century, of course. Mm-hmm. There's a couple of important events taking place at the Alliance Française we want to let people know about. Of course, it's time to sign up if you have kids for French summer camps. And there is a Ballet de Lorraine is here in town on the 16th. There's an Alliance Française member discount that is at the Northrop. A Ciné Club is having the film Les Concurrents on the 17th. Lecture Facile is reading, the book club is reading Les Misérables at the Alliance. What else do we have? Joe Amato, Paths and Roads to Becoming French. The American Heritage Foundation will be presenting a reception of Arthur Joe Amato talking about his book. Workshop, Minnesota's French-Canadian Roots is another workshop happening on the 25th. So we want to invite you to go ahead and visit the Alliance Française website at afmsp.org so you can get all the information that you need. There's a bunch of events happening. Let's get back to the music. This is a great evening of love. So what's next? Oh, yeah, the Trilon is going to have some French movies coming up in March as well. We'll have tickets for you to win. But for now, back to the music. C'est quoi la prochaine chanson? Okay, shall we have La Nuit des Amants, mm-hmm. or Barbara Carlotti, Au débutant de l'amour by Vianney, and Fleur de l'amour by Nico. Nous étions étrangers et nous marchions ensemble dans la tour de Babel. Il fallait tout changer. En ce temps-là, le rêve encore nous enveloppait. Nous dormions enlacés sur des lys brisés. Réussi à parler, mais tu pleurais parfois, et tes larmes formaient un fleuve clair qui lavait mes soupçons et faisait éclore en mon âme de fine fleur. Nous étions étrangers, mais ainsi nous voguions. Venait nous éclairer, nous avancions sûrement, mais un peu à tâtons. Nos corps avaient déjà engagé la conversation, le nous savions déjà tout sans avoir espéré. La nuit accusait sans crier nos remords, et ça durait des heures. Et les heures s'étendaient, plus courtes et plus longues. Le fleuve devenu fou semblait nous inspirer et faisait éclore en mon âme de fines fleurs. Nous étions étrangers dans le temps. March 8, KFAI celebrates International Women's Day with a full broadcast day by, for, and about women. This year's theme is Be Bold for Change, and we are inviting women from the community to celebrate with us. Apply today to host a program. A link for an application and more information can be found on the homepage at kfai.org. Au débutant de l'amour, ma foi, il faut dire la vérité. Il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent et ne redescendent jamais. Ça s'envole, surtout quand c'est un l'été. Les débutants de l'amour, on voit qu'ils sourient à en crever. Car les débuts ont cet atout-là de nous donner chose à rêver. S'il envole, se déroule comme on voulait. Dégringole, notre idylle, le vent levé. Aux débutants de l'amour, la joie, elle est à même, elle est réelle. De beau dîner, ça y en aura. Mais se consume la chandelle et s'envole les souvenirs dans la fumée et s'envole le passé. Au débutant de l'amour à trois, j'aimerais dire qu'ils vont déchanter. Dès la minute où la bague au doigt se sera vu déjà trompé. Qui s'envole, prend le risque de tomber. Ça s'envole, surtout quand survient l'été. Les débutants de l'amour à trois, ou débutants de l'amour tout court, pourront penser qu'à cette allure-là, l'heureuse vie suivra son cours. Mais que l'on vole, des bouts de vie, de paix, d'amour. Tout s'envole. Une belle nuit ou un beau jour. Mmh. la vérité. Il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent, qui ne redescendent jamais. Ça s'envole comme Marguerite, églantine et ma tulipe, je jonquillerai ton crocus et t'offrirai mon coquelicot. Mais si Dahlia, ton encolie, anémone notre iris et capucine mon narcisse, je crains pas nul notre hibiscus. Si je lis là dans tes pensées, tu me joues la giroflée et tu me lisses dans la cante au moment le plus artichaut. Et tu me lisses dans la cante au moment le plus artichaut. M'avait Marguerite, orchidée l'espoir d'un bleuet, je ne souffrirais pas si Flandre. Hyacinthe n'y touche, mais c'est fini. Je renoncule, je vais me pendre. Marguerite, et tes chardons, tes chrysanthèmes, n'amarilis seront pas mon fusain. Si un beau jour, au Rubica, tu te soucies encore de moi, oublie les vieux rhododendrons et viens cueillir ma mandragore. Oublie les vieux rhododendrons et viens cueillir ma mandragore. We heard a suite of songs. The first one was La Nuit des Amants by Barbara Carlotti, which practically, I mean, she sings about, well, how they meet each other, how they how there's somehow or other this spark goes over from one to the other, and it's a very, very nice song about how people fall in love and then how they feel about it. The next one, Au débutant de l'amour, to the novices of love. Is that débutant is not such a you could say. Well, not the debutante. Neophytes. Neophytes or novice of in love. So he, by Vianney, and he gives him all kind of advice. So, for example, he says, okay, to your first loves, you need to know the truth. You need to know what's really going on. You need to know that there may be heartbreak. You need to know that you may be separating and so on. So he's kind of trying to give them a good advice as to how to behave and what to expect of their first loves. Then we have Et si je t'aime, Fleur d'amour, by Nico. And he goes through all of the lily of the valley, the violets, the everything. But then he also kind of comes up with the artichoke. And artichoke actually does have a flowers quite prominently, or has a very nice flower if you let it go, if you don't eat it before. Really? Yeah. But then, of course, it also has these little thorns, or these little that you can the hurt thorns you on the end at the points. Yes. So this is his song about fleur d'amour, and Marie Laforêt in Et si je t'aime. She sings, of course. I mean, anything can anything, as long as she loves her love interest, and anything may happen. So, si je t'aime, if I love you, almost she will do almost anything. So, those were the four songs of this set. Mm-hmm. So next we go with Ce baiser de François Morel and Cajun Love Song. Off we go. Baiser, vous souvenez-vous que vous m'aviez un jour donné? J'aimerais pouvoir entre nous ce soir vous le restituer. J'avais gardé par devers moi ce souvenir, ce doux trésor, ce présent, ce cadeau de roi, plus précieux qu'un bijou en or. Quand je partais loin de Paris, quand je m'en allais en voyage, je le rangeais dans un étui bien protégé dans mes bagages. Ce doux baiser que j'ai gardé au bout des lèvres, au bout du cœur, ne m'a jamais, jamais quitté. J'en fus l'unique possesseur. J'ai peur qu'il manque à vos années, ultime et cependant ardente. Voulez-vous le récupérer? Ici, toute affaire se sente. Ce serait pour moi un délice d'enfin vous le rétrocéder. Il est sur moi, c'est un indice. Vous plairait-il de le chercher? Le temps ne m'a pas épargné, cheveux blanchis et cataractes, mais vous en seriez étonné, le baiser lui demeure intact. Ce baiser, vous souvenez-vous, que vous m'aviez un jour donné? J'aimerais pouvoir entre nous ce soir vous le restituer. La la la la la la la la la. La. Hey, you. Yeah, I'm talking to you. What are you passionate about? Kung fu fighting or karate? Flying or fly fishing? Ancient Asian artifacts? Indiana? Whatever it is, share your passion with the community on KFAI's The Wave Project. The Wave Project is KFAI's weekly one-hour open-access radio show available to anyone in the community. You provide the idea and the content. We provide the engineer. Together we share your passion with the community. Find out more at kfei.org/waveproject. Marché à moi et le soleil après allumer ses cheveux comme un plat d'or. Le vieux chien noir est à côté d'elle et il y a un petit peu de boue sur ses bottes. Walking like a slow moving bayou, eyes sparkling like the late morning dew, skin soft like the call of a baby lamb, and a smile can I like me new. J'ai frotté mes yeux, et non, c'est pas un rêve. Je me demande entre moi-même, ça, qu'elle est après j'anglais. Sa robe qui berce, quand elle marche. Mais, je m'en fous pas mal, juste arrête pas de marcher. Dans ma direction. She's walking like a slow moving by you. Eyes sparkling like the late morning dew. Skin soft like the call of a baby lamb. Like me new. Pierre-Joseph était un jeune marchand, n'avait seulement que 19 ans. Louise Cadet, fille du marchand boucher, a quant à elle 17 années. Québec 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, leur chère Agathe. Québec 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, la chère Agathe. Ont-ils voulu partir pour se marier, dans la jeunesse, les accusants. Jean le tuteur du bientôt jeune galant refusa son consentement. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivari, prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivari, prendre un canot en pleine nuit. On suit leur fugue et aussitôt en voyant les archers de la marée chaussée. Saint-Laurent, Saint-Grève de Saint-Nicolas, des amoureux furent capturés dans les cachots de la capitale. Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. Dans les cachots de la capitale, Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. What we heard was Le Baiser, a really little sweet song about the person, a guy who has kept the baiser that he got from his girlfriend at one point. He keeps it with him. He keeps it in a little jewel box, like a gold piece of gold. He takes it with him on his travels. He's never forgotten it. And now, as he sings, he has white hair. He has cataracts. Even they sing this in the song. Mm-hmm. But he still holds on to this baiser. And the other one was a Cajun mix of English and French. Yeah. And so we need to say goodbye, more or less. Good night. Not goodbye, good night. Alice, we'll see you in 2 weeks because it will be Black History Month. Next week will be Black History Month, yes. So we wish you a good Saint-Valentin, bonne fête de Saint-Valentin pour les amoureux et les célibataires aussi. Oui, oui, oui, mais bien sûr. C'est surtout pour eux. And dans 2 semaines. À 2 semaines, allez. Allez. Bonne nuit. And here's some paradis with toi et moi. Je sais pas, un petit peu toi et moi.